Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Face à la crise de l'État social, comment définir un nouveau compromis entre la liberté d'entreprendre et la protection des travailleurs, s'interroge le juriste Alain Supiot. Comment l'évolution du travail en ce début du XXIe siècle reflète-t-elle le nouvel état du rapport des forces politiques et économiques? Et comment cette évolution du travail résulte-t-elle de la tension entre deux conceptions du travail, l'une orientée vers la flexisécurité et l'autre vers la recherche tâtonnante d'un nouveau régime de travail réellement humain. Depuis la semaine passée, Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, s'attache aux effets du recul du gouvernement par les lois sous l'effet de la globalisation et de la gouvernance par les nombres. L'analyse juridique lui permet d'observer de manière privilégiée les grandes mutations qui nous touchent. La série de cours qu'il nous propose met en valeur l'émergence de nouvelles figures de l'allégeance. Le juriste, membre de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, a interrogé dans le cours précédent les deux legs de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire la gestion industrielle de la ressource humaine d'un côté et de l'autre l'Organisation internationale du travail qui va fêter ses 100 ans en 2019. Alain Supiot a ouvert la grande question de l'interprétation de la notion du travail réellement humain, indiquant que dans son sens fort, c'est le travail lui-même qui doit être réellement humain. Mais la notion de régime de travail réellement humain peut toutefois s'entendre de façon moins exigeante, en considérant que c'est le régime qui doit être humain et pas forcément le travail. Ainsi compris, l'objectif fixé à l'OIT consiste à rendre humainement supportable un travail qui ne l'est pas forcément en lui-même. Cette interprétation, a-t-il souligné, est celle qui a prévalu après la Première Guerre mondiale et jusqu'à nos jours. Enfin, Alain Supiot, et je le cite une dernière fois, indique que le droit du travail a ainsi servi à concilier les deux apports a priori inconciliables de la Grande Guerre. D'un côté, la réification du travail métamorphosé en force de travail, qu'on peut acheter et vendre comme on le ferait de l'énergie électrique. Et d'un autre côté, l'insertion dans tout contrat de travail d'un statut salarial qui protège la personne du travailleur contre les effets physiques et économiques de cette réification. Ainsi conçu, le droit du travail a rendu soutenable la fiction du travail marchandise et constitué avec le droit de la sécurité sociale et les services publics l'une des bases institutionnelles d'un marché du travail. Alors quelle est la rupture du compromis fordiste voulu et organisé par les tenants de l'ultralibéralisme pour qui le statut salarial est une entrave à l'ordre spontané du marché et une source de coûts et de rigidité? Comment la révolution numérique et la gouvernance par les nombres, les objectifs chiffrés, ont-ils modifié profondément l'organisation du travail? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 28 mai 2014 pour le cours d'Alain Supiot, les figures de l'allégeance, aujourd'hui, quel régime de travail réellement humain? Bien, nous étions quittés en évoquant la dernière fois les rares études disponibles sur les effets de la libéralisation du commerce et de l'effacement des frontières en termes de justice sociale. J'avais évoqué le rapport 2008 du BIT et le résumé qu'en avait fait le directeur général de l'époque. Et ça datait de 2008 et loin de se retourner depuis la crise financière de 2008, ces effets de la globalisation se sont donc encore amplifiés, ainsi que le montre le tout récent rapport de l'Oxfam sur les inégalités dans le monde. Cette amplification d'ailleurs est telle qu'elle a conduit récemment le FMI à s'en inquiéter. Et à ces inégalités de revenus, il faut bien sûr ajouter les guerres et les violences que les médias attribuent volontiers à des facteurs religieux ou identitaires, alors que leurs causes profondes sont à rechercher dans le fait, pour citer encore une fois la constitution de l'OIT, dans sa rédaction de 1919 répétée en 1944, qu'il n'est pas de paix durable sans justice sociale. Alors, ce constat est vrai, par exemple, des révolutions arabes, comme l'a montré Gilbert Achkar dans un livre récent qui s'appelle « Le peuple veut », qui est sur l'analyse de ce qu'on appelait le printemps, puis ensuite l'hiver arabe. Mais c'est aussi vrai du délitement du lien social dans les banlieues les plus pauvres de nos grandes villes. Il est assez évident que là comme ailleurs, le chômage de masse et la pauvreté sont le terreau de la dislocation des structures familiales, de la délinquance et des luttes de reconnaissance religieuse ou identitaire. Il faut noter que l'explosion des inégalités de revenus ainsi observées correspond à la fragmentation du statut salarial, avec tout en haut de l'échelle l'augmentation du nombre de cadres dirigeants qui cumulent les sécurités de l'emploi et la participation au profit, et en bas la montée de l'emploi précaire et du travail dit informel, qui représente 51% de la main-d'œuvre au Brésil, 85% en Inde. En France, selon les données de la dernière enquête Conditions de travail, c'est une enquête qui date de 2005 et les choses ne se sont pas améliorées depuis, 27% de la population active est occupée dans un emploi instable, qu'il soit précaire pour 17%, ou menacé de disparition. Et cette rupture du compromis fordiste a été voulue et organisée par les tenants des nouvelles doctrines économiques auxquelles se sont ralliés la plupart des gouvernements et des organisations internationales, doctrines selon lesquelles le statut salarial est une entrave à l'ordre spontané du marché et une source de coûts et de rigidité. Et le principal levier qui a été utilisé pour tarir cette source de rigidité, que serait le droit du travail, c'est la mise en concurrence internationale des travailleurs. Cette mise en concurrence a été facilitée par le coût artificiellement bas de l'énergie et des transports, qui rend attractif la délocalisation de la production dans des pays à main-d'œuvre bon marché. Et elle a aussi été facilitée par l'essor des technologies numériques qui permettent de déterritorialiser le travail lorsqu'il porte sur des signes et non sur des choses. Cette déterritorialisation concerne même maintenant des activités qu'on pensait très territorialisées par nature, comme par exemple les consultations médicales, ou la lecture d'imagerie médicale maintenant dans les cliniques américaines se fait en Inde, à des coûts évidemment beaucoup moins importants. Alors les syndicats ont le plus souvent réagi à cette déconstruction méthodique du droit social par une défense du statu quo. Et cette posture défensive s'explique notamment par la baisse du nombre de leurs adhérents et par la position de force des entreprises dans un contexte de chômage de masse et de libre circulation des capitaux et des marchandises. Et quoique compréhensible, une telle posture d'attachement au statu quo conduit les syndicats à se replier sur leurs bastions les moins exposés à la montée du chômage et à la précarité, notamment sur le secteur public, et au sein du secteur privé, sur les moins exposés, c'est-à-dire les titulaires de contrats à durée indéterminée. Et les syndicats sont ainsi pris dans une boucle où ils se coupent des travailleurs atypiques, à commencer par les jeunes, et concourent ainsi à ce qu'on a appelé un temps, on n'emploie plus cette expression maintenant, la dualisation du marché du travail. Après on a parlé de fracture sociale, vous vous souvenez, c'est-à-dire l'approfondissement de la crise du compromis fordiste. Et donc, depuis 30 ans, le droit du travail a ainsi été le théâtre d'une lente et inexorable, apparemment inexorable, érosion des sécurités héritées de l'ère fordiste industrielle. Cette évolution est particulièrement nette à l'échelle de l'Union européenne. De la fin des années 70 jusqu'à l'élargissement de la communauté européenne aux anciens pays communistes, qui est intervenu en 2004, la déréglementation du marché du travail, prônée par la Grande-Bretagne de Mme Thatcher, était demeurée une position isolée. Donc, au fond, jusqu'en 2004, l'Angleterre disait « Nous, on ne veut pas participer à cette affaire d'Europe sociale, c'est une impasse. » Mais comme ils étaient minoritaires, ce qu'ils obtenaient, c'est ce qu'on appelait l'opting out, la possibilité de ne pas participer, d'être soustrait à un certain nombre de disciplines sociales communes. Et jusqu'au traité de Maastricht, le gouvernement britannique est parvenu à bloquer presque tous les projets de directive en droit du travail. Et lors de Maastricht, d'obtenir une clause de opting out. Parce que la stratégie britannique à la Commission, moi j'ai vu ces choses-là de près, c'était eux les plus présents sur les questions sociales, extrêmement attentifs. Donc on participe pour détricoter au maximum les propositions de directive, et une fois qu'elles sont totalement détricotées, on dit je fais opting out. Hein, et j'échappe à des dispositions sociales qui elles-mêmes ont été réduites au maximum. Alors, cet isolement politique a cessé avec l'ouverture de l'Union aux anciens pays communistes. Oui, parce que l'élargissement de 2004 avait une nature profondément différente. Je peux en dire un mot rapidement. Jusqu'alors, on s'était élargi à des pays dont le système, les modes d'organisation étaient très comparables aux pays déjà entrés dans l'Union. Évidemment, l'ouverture à l'Est posait un problème d'une toute autre ampleur, puisqu'il s'agissait en même temps de ce qu'on appelait une transition, c'est-à-dire on imaginait qu'il y avait comme une sorte de point à atteindre qui était le modèle des pays de l'Ouest et que les pays de l'Est allaient rejoindre ce modèle. On peut penser que cet élargissement aurait dû être conçu en termes politiques un petit peu par une sorte de refondation de l'Europe dans une négociation de base où d'un côté, les pays occidentaux de l'ouest de l'Europe auraient accepté de payer assez lourdement pour la remise à niveau des pays de l'Est, mais où en revanche les pays de l'Est auraient accepté des disciplines sociales et fiscales. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. On a fait un élargissement sans poser ces conditions. Et du coup, ce qu'on a ouvert, c'est effectivement une mise en concurrence accrue dans la mesure où la main-d'œuvre des pays anciennement communistes était abordable à des coûts sans commune mesure avec ceux des pays occidentaux. Et ce mouvement de mise en concurrence des législations, qui a été très facilité à partir de 2004, a été encouragé par la Cour de justice de l'Union européenne, à partir de ce moment-là. Cour de justice dont la composition aussi s'est transformée, puisque la Cour de justice, vous le savez, c'est une institution très particulière, puisque la séparation des pouvoirs n'existe pas dans les institutions européennes. Il y a la confusion des pouvoirs à peu près à tous les niveaux, puisque la Commission est une sorte de juridiction économique qui a un pouvoir exécutif, le Conseil cumule des fonctions législatives et exécutives. Il n'y a que le Parlement qui n'a pas beaucoup de son mot à dire. Et quant au juge, le juge européen rend des arrêts de règlement. C'est-à-dire, c'est une des raisons pour lesquelles on avait fait la Révolution française, c'est pour que les juges ne puissent pas poser des règles générales et abstraites, puisqu'ils n'étaient pas élus, mais simplement trancher des cas. La Cour de justice a le pouvoir de dire le droit. Elle dit pour droit. Et sa composition ne reflète pas les poids démographiques respectifs, puisqu'il y a un juge par État. Et donc les nouveaux entrants ont tout de suite compris que la Cour de justice était un point nodal pour peser sur l'évolution du droit européen. Donc, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu la Cour qui avait été extrêmement prudente jusqu'alors, parce qu'elle savait sa légitimité fragile, hein, une Cour internationale. On peut dire que leur jurisprudence avait acquis une certaine légitimité jusqu'au début des années 2000. Avec l'élargissement, la composition de la Cour a été fortement modifiée. Beaucoup de magistrats y sont venus, ont été nommés un peu sur un certain mandat politique. et on a assisté à un tournant assez net dans la politique jurisprudentielle de la Cour en matière sociale. Alors, la critique de manque de légitimité démocratique que je suggère ici, ce n'est pas de mon fait seulement, puisque c'est le Bundesverfassungsgericht, la Cour constitutionnelle allemande, qui a noté que cette Cour échappait au principe de démocratie sur lequel prétend reposer l'Union. Donc, à partir de 2006, et surtout depuis 2007-2008, dans ses fameux arrêts Viking et Laval, elle a développé une nouvelle politique jurisprudentielle qui ne s'est pas démentie depuis. Alors, je vais vous en donner un exemple récent, parce que de temps en temps, il faut qu'on fasse du carottage sur des questions un peu plus techniques. L'illustration la plus récente que j'ai trouvée de cette déconstruction du droit du travail est l'arrêt que la Cour vient de rendre le 15 janvier 2014 dans une affaire Association de médiation sociale. Alors, cette affaire est très intéressante parce qu'elle posait la question de savoir si le juge national peut écarter une disposition de droit interne lorsque cette disposition est contraire à un principe qui a été consacré par la Charte des droits fondamentaux. Vous savez que cette Charte des droits fondamentaux, qui a été adoptée à Nice en 2000, a été intégrée au traité, elle a une valeur juridique comparable au traité, même s'il y a toute une série de réserves qui ont été imposées par les Britanniques, principalement, pour que eux soient exempts, comme d'habitude, et que cette charte ne puisse être invoquée que pour la mise en œuvre du droit de l'Union lui-même. Mais cette charte est un document de très grande qualité juridique et dans lequel on trouve beaucoup d'éléments assez novateurs du point de vue social, puisqu'il y a tout un chapitre de la charte qui concerne le principe de solidarité. Et c'est justement ce principe qui était en cause dans cette affaire, puisque était évoqué le droit à la participation des salariés. Et donc, techniquement, la question qui se posait, c'est de savoir, est-ce qu'on peut, devant le juge national, demander à un juge national de ne pas appliquer une loi interne, si cette loi interne méconnaît un droit social consacré par la directive. À cette question, la Cour avait répondu par l'affirmative dans des affaires précédentes, dans un arrêt Mangold et un arrêt Kükük Devici, excusez-moi, mon turc n'est pas ce qu'il pourrait être, ces arrêts étaient relatifs au principe de non-discrimination en fonction de l'âge. Donc là, nous avions une hypothèse où un turc ou un mangol, je ne sais plus dans quel pays ça se passait, qui estime qu'une législation nationale crée une discrimination à raison de l'âge, et on demande à ce que le juge national n'applique pas cette disposition parce qu'elle est contraire aux dispositions de la charte. C'est clair. Alors voilà ce que la façon dont a répondu la Cour dans ses arrêts, qui datent de 2005 et le second de 2010. Il incombe à la juridiction nationale, saisie d'un litige mettant en cause le principe de non-discrimination, d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables du droit de l'Union et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant aux besoins inappliqués toute disposition de la réglementation nationale contraire à ce principe. Donc on nous dit, dès lors que le principe est consacré dans la charte, qu'il y a une directive qui tend à le mettre en œuvre, à ce moment-là, vous devez l'écarter, la loi interne qui serait contraire à ce principe. En fait, la question posée dans l'arrêt Association de médiation sociale du 15 janvier 2014 était exactement la même, à cette seule différence près qu'elle concernait non pas le principe de non-discrimination, mais le droit à l'information et la consultation des travailleurs, qui est un droit qui est consacré par l'article 27 de la Charte et qui est mis en œuvre par une directive, la directive 2002-14, qui établit un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la communauté. Donc, vous voyez, techniquement, on est face à un problème qui se présente exactement dans les mêmes termes. Un citoyen de l'Union dit « je suis face à un texte de droit interne qui méconnaît une disposition de la charte qui a été concrétisée par une directive, donc je demande au juge national de ne pas appliquer la règle de droit interne ». Or, dans ce cas, la Cour a refusé d'attacher le moindre effet normatif aux dispositions de la Charte des droits, au motif que l'article 27 de la Charte, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002 que je viens de vous citer, doit être interprété en ce sens que lorsqu'une disposition nationale de transposition de cette directive tel que l'article 11.3 du Code du travail est incompatible avec le droit de l'Union, cet article de la Charte ne peut pas être invoqué dans un litige entre particuliers afin de laisser inappliquer la dite disposition nationale. Autrement dit, si vous avez des dispositions nationales qui méconnaissent le droit consacré à l'information et à la consultation des travailleurs consacrés par la Charte, eh bien, c'est sans effet normatif dans l'ordre juridique national. C'est ça que ça veut dire. Alors, je ne vais pas me lancer dans un commentaire de cette décision qui a donné lieu à une très belle analyse de Pierre Rodière, que vous trouvez à la Semaine sociale d'Ami, où, malgré sa placidité habituelle, Pierre Rodière est sans doute notre meilleur spécialiste de droit social européen, et là, son ton est assez vigoureux pour critiquer cet arrêt, je dois dire. Notez seulement l'argument invoqué par la Cour pour dénier au droit à l'information et à la consultation la portée normative qu'elle accorde en principe au principe de discrimination. Ce dernier, c'est-à-dire le principe de discrimination, dit-elle, parce qu'évidemment, elle répond par avance à l'objection qu'on va lui faire, mais vous aviez déjà jugé autrement quand c'était la non-discrimination, alors pourquoi vous faites comme ça pour le droit à la participation? Eh bien, elle dit, le droit à la discrimination se suffit à lui-même pour conférer aux particuliers un droit subjectif invocable en tant que tel. Bon. Alors, pour quelle raison le droit d'être informé ou consulté dans des cas qui sont précisément indiqués dans un instrument de droit dérivé, comme la directive de 2002, pour quelle raison ce droit d'être informé et consulté ne serait-il pas lui aussi un droit subjectif invocable par les particuliers? En fait, il n'y en a aucune raison au plan juridique. Il n'y en a aucune. Le droit d'être informé et consulté, chaque salarié a ce droit. Alors, ce droit s'exerce collectivement par l'information des représentants du personnel, mais chaque salarié en est titulaire. Et l'on pourrait bien plutôt affirmer que le droit à information et consultation est plus facile à mettre en œuvre que le principe de non-discrimination, parce que le principe de non-discrimination, il faut forcément procéder à des comparaisons. Donc, la violation de ce principe est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, à prouver que l'atteinte au droit à la consultation. En réalité, le motif est ailleurs, il n'est pas de nature juridique, c'est que le droit à l'information et à la consultation, tout comme le droit syndical, le droit de grève ou le droit à la négociation collective, ne sont nullement des créances contre l'État dont l'opposibilité serait nulle ou simplement normative. Ça, c'est un refrain qu'on entend souvent, dire, les droits sociaux, c'est des droits créances, donc si l'État n'est pas prêt à payer, ils n'ont pas de force normative. Mais lorsqu'on a un droit à la consultation, à l'information, à la négociation, le droit de grève, ce n'est pas un droit créance, un droit qui est exécutoire. Donc, ce sont des droits que je qualifie de droits individuels s'exerçant collectivement et qui sont opposables aux employeurs, et que l'État doit non seulement protéger, comme il doit protéger tous les droits civils et politiques. Donc, la décision dont je vous parle ici n'était nullement imposée par les textes. Elle exprime, comme l'exprimaient déjà les arrêts Laval et Viking, un choix de politique jurisprudentielle. En réalité, ce que la Cour met en œuvre, c'est la doctrine Law and Economics, que nous avons évoquée l'année dernière, qui prescrit cette doctrine d'évaluer toute règle de droit à l'aune d'une normativité plus haute qui est la normativité économique. Et c'est pourquoi, dans le même temps et avec la même vigueur, la Cour réduit autant qu'elle le peut les champs des libertés collectives et ne cesse en revanche d'étendre le champ du principe de non-discrimination. En effet, elle voit dans les libertés collectives un pouvoir de marché et donc des entraves potentielles à l'exercice des libertés économiques. En revanche, la lutte contre les discriminations répond à la recherche d'une plus grande liquidité du capital humain. Elle est donc jugée par nature bénéfique. Elle répond à ce que une jeune universitaire, Mme Barguin, dont la thèse vient d'être publiée, c'est sur normativité économique et droit social, c'est ce qu'elle appelle, je cite, « la quête de l'anonymat des acteurs économiques libres de contracter à moindre coût ». Donc le principe de non-discrimination va dans ce sens. Et donc, on comprend pourquoi, d'une main, la Cour donne la plus grande portée possible aux droits qui répondent à la logique de marché, tel est le cas du principe de non-discrimination, qui oblige à considérer tous les individus comme des particules contractantes identiques et interchangeables, indépendamment de leur sexe, de leur âge, de leur nationalité, etc. Et de l'autre main, la Cour réduit autant qu'elle le peut la portée des droits dont l'exercice est susceptible d'entraver l'ordre spontané du marché, comme le droit de grève, le droit syndical ou le droit à la consultation collective. À commencer, bien sûr, justement par le droit de contester cet ordre, parce que le droit de grève peut avoir pour objet de contester cet ordre spontané. Alors, pas plus que la défense du statu quo, donc, cependant, le démantèlement des sécurités héritées de l'ère fordiste ne peut être considéré comme une solution viable à long terme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette jurisprudence de la Cour de justice n'est pas viable à long terme. D'ailleurs, elle commence à trouver des points de résistance dans un certain nombre d'instances nationales ou internationales. Ce sont des choses sur lesquelles je reviendrai dans le cours de l'année prochaine, mais tant la Cour européenne des droits de l'homme, le Comité des droits sociaux du Conseil de l'Europe, la Commission des experts du BIT, plusieurs juridictions constitutionnelles, notamment au Portugal et en Allemagne, ont commencé à résister aux interprétations qui viennent du droit de l'Union dans le domaine social, en considérant qu'on en venait à toucher et à porter atteinte à des droits fondamentaux. Donc la messe n'est pas dite du point de vue juridique, et en termes plus généraux, voir évidemment dans le compromis fordiste une fin de l'histoire du droit social, ça serait se tromper. Ça a été plutôt la position syndicale dominante, mais j'allais dire qu'elle oublie une observation que faisait Marx, qu'on peut citer sur cette citation. Marx observe dès le 19e que l'organisation de l'industrie bouleverse avec la base technique de la production les fonctions des travailleurs et les combinaisons sociales du travail, dont elle ne cesse de révolutionner la division établie en lançant sans interruption des masses de capitaux et d'ouvriers d'une branche de production dans une autre, ce qui finit par détruire toutes les garanties de vie du travailleur, toujours menacé de se voir retirer avec le moyen de travail ses moyens d'existence. Donc ce qui est aperçu dès le 19e, c'est ce caractère révolutionnaire. Donc il y a une dynamique liée au progrès technique et au capitalisme et qui oblige à repenser sans cesse les systèmes de protection des travailleurs. Alors, Marx pensait que ça se terminerait dans le grand soir, mais tant que le grand soir n'est pas là, le problème pour les juristes en droit social, et aussi pour les syndicats, c'est qu'il n'y ait pas un décrochage entre la temporalité de ces protections et les besoins de protection. Or, c'est ce décrochage auquel nous assistons aujourd'hui. Mais penser qu'un marché du travail pourrait durablement fonctionner en ignorant le temps long de la vie humaine, d'ailleurs comme le proclame la constitution de l'OIT que je rappelais tout à l'heure, c'est prendre la fiction du travail marchandise pour une réalité. Et prendre cette fiction pour une réalité, c'est nécessairement faire le lit de la violence. Et c'est pourquoi j'évoquais tout à l'heure tous ces événements autour de nous qu'on attribue toujours, alors dans des explications, je veux dire, aux religieux, au fanatisme, etc., qui sont réel, enfin, je veux dire, si vous voulez comprendre ce qui se passe en Centrafrique, en Égypte, en Tunisie, ou dans nos banlieues, il faut d'abord commencer par avoir un chômage de masse qui frappe des parties entières de générations de jeunes qui ont dit qu'ils n'ont pas leur place. Bon, ils n'ont pas une place décente, pour employer la terminologie du BIT. Alors, dans le cas de l'Union européenne, le jour est propice pour le dire, il n'est pas besoin d'être grand clair pour observer que son renoncement à toute ambition sociale et la politique de démantèlement méthodique de l'État social dans lequel elle s'est engagée, notamment via l'action de la Troïka, eh bien, ça ne peut que saper sa légitimité politique et menacer son existence même. Donc on voit ici comment il y a un besoin, quand je dis que le droit social, c'est un étai nécessaire pour porter la fiction du travail marchandise, on a besoin des constructions du droit social pour que le marché puisse fonctionner sur le long terme. Le Collège de France et France Culture vous présentent le juriste Alain Supiot, les figures de l'allégeance, aujourd'hui, quel régime de travail réellement humain ? Donc la question posée par la crise d'État social n'est pas tant de conserver ou de détruire l'héritage fordiste, mais bien plutôt de définir un nouveau compromis entre la liberté d'entreprendre et la protection des travailleurs. Depuis la fin du siècle dernier, cette question a donné lieu à de nombreuses réflexions qui, à grands traits, dessinent deux orientations possibles. Première orientation, c'est celle de ce que la Commission européenne appelle la flexicurité, en un seul mot. La flexicurité, c'est comme chauve-souris. Vous avez une... c'est des chimères, vous avez deux choses, et bon... dont les grandes lignes ont été définies par la Commission européenne en 2007. Alors, cette orientation se réclame du modèle nordique et elle a été défendue en France par une multitude de rapports et d'experts qui ont en commun d'envisager le droit du travail comme une variable d'ajustement des politiques économiques. Alors, je ne sais pas si je vais vous infliger la litanie de ces commissions, mais enfin, il y a eu le rapport de la commission de Virville en 2004, le rapport Cahuc-Kramatz, qui a inspiré la création des contrats nouvelle embauche et première embauche promis aux naufrages politiques et juridiques que l'on sait, puisque c'est ce qui avait coûté la vie au gouvernement Villepin. Il y a eu les rapports Cam-Dessus, ancien président de la Banque mondiale, et Attali, qui ont relayé en France l'appel des organisations économiques internationales à une fluidification du marché du travail. On a toujours cette image de la liquidité qui est présente, qui serait susceptible de dynamiser la croissance. L'un des derniers en date, c'était le rapport Barthélémy 7 du Conseil d'analyse économique qui préconise de refonder le droit social et de l'émanciper aussi bien à la tutelle de la loi que de la force obligatoire du contrat individuel de travail. En fait, ce qu'il y a dans ce rapport, c'est l'idée qu'il faut permettre les contrats collectifs d'entreprise, hein, que chaque entreprise puisse faire sa législation sociale. Alors ça, c'est l'orientation dominante, et c'est la doctrine officielle de la Commission européenne. Une autre orientation consiste au contraire à placer le travail, et non le marché, au cœur du politique, et à reposer à nouveau frais la question de ce qu'on appelait dans le préambule, en 1919 de la Constitution de l'OIT, un régime de travail réellement humain. C'est-à-dire, au lieu de partir du marché, disant, voilà, il y a les besoins du marché, il faut que j'adapte le capital humain aux besoins du marché, mais il faut quand même qu'il soit assez résistant, résilient, puisque c'est le terme qui est employé, donc flexible, il ne faut pas qu'il casse, si on appuie trop, tout ce vocabulaire. On peut avoir une autre orientation qui parte au contraire du travail. Et une telle orientation avait été esquissée en 1995 dans le rapport Boissonnat, qui était intitulé « Le travail dans 20 ans », nous y sommes, c'était 1995, qui préconisait lui aussi une refondation du travail, mais qui tiendrait compte de toutes les formes d'activité et pas seulement du travail salarié. Bon, c'est une orientation qui avait été aussi portée dans un groupe que j'ai eu l'honneur d'animer pour le compte de la Commission européenne à la fin des années 90, qui a été publié en 99 sous le titre « Au-delà de l'emploi » et qui dégageait les lignes de force de ce que nous avions appelé un état professionnel des personnes qui leur permettrait d'exercer une réelle liberté de choix tout au long de leur vie, et donc de pouvoir passer d'une situation de travail à une autre, et de concilier vie privée et vie professionnelle. Et était notamment recommandé dans ce rapport un développement de ce qu'on appelait les droits de tirage sociaux, c'est-à-dire qui, sur le modèle des crédits d'heures ou des congés spéciaux, donnent aux travailleurs les moyens d'exercer réellement sa liberté du travail. Alors, c'est aussi à cette orientation que répond le renouvellement des objectifs plus récents de l'action syndicale, désormais définie en termes de sécurité sociale professionnelle ou de sécurisation des trajectoires professionnelles. Alors, il suffit de comparer terme à terme les concepts mobilisés par chacune de ces orientations pour mesurer ce qui les sépare, si on raisonne en termes de flexicurité ou bien si on raisonne en termes d'état professionnel. Le vocabulaire de la flexicurité, c'est la flexibilité, l'efficacité économique, le marché, le capital humain, l'employabilité. Et le vocabulaire de l'état professionnel, c'était la liberté, justice sociale, droit, travail et capacité. La flexicurité conduit à raisonner donc dans ces termes d'efficacité. Et cette première orientation flexicurité peut se réclamer de l'article 145 du traité du fonctionnement de l'Union européenne, qui enjoint aux États, ça c'est une formule, s'il y avait un article à dynamiter, excusez-moi, je ne veux rien dynamiter du tout, je suis un homme très pacifique, mais si on pouvait gommer cette formule, que les États doivent promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter, ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie. Là, on est réellement dans cette idée que le travail est la variable d'ajustement qui doit s'adapter aux besoins des marchés. Donc on ne part pas du travail humain dans sa capacité d'innovation et de création. On prend le marché comme la Grundnorm, omnisciente, et à partir de laquelle il faut adapter le matériel humain. Bon. La seconde orientation, elle, peut se réclamer de la déclaration de Philadelphie, qui enjoint aux États de promouvoir, je cite, « l'emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance et de contribuer le mieux au bien-être commun ». Je cite souvent ce passage parce que c'est un des seuls documents en droit international qui se réfère au contenu du travail, c'est-à-dire au travail dans sa fonction instituante de l'individu et qui donne comme but aux États de faire en sorte que chaque individu puisse exercer un travail qui soit proprement humain dans le premier sens que nous avions défini lors de la dernière séance. On peut rapprocher de cela les dispositions de l'article 15.1 de la Charte européenne selon laquelle toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. Vous voyez, quand on met ces textes en rapport, on voit bien qu'il y a à l'intérieur même du droit européen une tension entre deux manières de concevoir ce que doit être une législation du travail. Et l'évolution du droit du travail en ce début de siècle résulte de cette tension. Et bien malin, qui pourrait dire ce qui va en résulter. En effet, comme le disait Roland Barthes dans ses murs même, je le cite, « l'histoire n'assure jamais le triomphe pur et simple d'un contraire sur son contraire, elle dévoile en se faisant des issues inimaginables, des synthèses imprévisibles. » Donc, rien n'est joué. Mais on peut repérer les éléments de cette tension et l'analyse du droit positif confirme la justesse de cette observation. D'un côté, cette évolution reflète le nouvel état du rapport des forces politiques et économiques, qui est très défavorable, évidemment, au travail. Et ce rapport des forces très défavorable résulte de la distorsion entre les libertés collectives qui sont reconnues aux travailleurs de façon de plus en plus restreinte par la Cour de justice, par exemple, dans le cas européen, mais qui demeurent de toute façon cantonnées aux frontières nationales. Donc d'un côté, on a des libertés collectives en voie de restriction et définies nationalement, et de l'autre côté, on a des libertés de circulation internationale des capitaux et des marchandises qui, elles, sont interprétées de plus en plus largement et qui s'exercent sur un échiquier proprement qui peut ignorer les frontières. Donc on a cette distorsion, évidemment, a profondément modifié les rapports de force qui, dans les années, jusqu'aux années 70, étaient le moteur de l'évolution du droit du travail dans le cas français. Et ces libertés de circulation des capitaux et des marchandises font l'objet d'un large consensus parmi les partis de gouvernement, de même que la croyance dans les bienfaits de la compétition mondiale. Je dis bien croyance, car à rebours des directive de la déclaration de Philadelphie, on prend soin désormais de ne pas apprécier la justesse du nouvel ordre économique international à l'aune de ses effets en termes de justice sociale. Je souligne ce point parce que c'était un des éléments forts de la déclaration de Philadelphie en disant, bon, le but c'est plus de justice sociale dans le monde. L'organisation économique et financière c'est un moyen pour atteindre ce but. Donc il faut nous donner les moyens d'évaluer régulièrement est-ce que la manière dont on organise l'économie permet une amélioration en termes de justice sociale? Donc il y avait une méthode, et on avait prévu même une organisation économique fondée sur ce principe lors des négociations de la charte de la Havane, etc. En fait, ce qui se passe, c'est aujourd'hui rigoureusement l'inverse, et hormis quelques exceptions rares, dont ce rapport sur l'emploi dans le monde de 2008 de l'OIT que j'ai cité tout à l'heure, cette évaluation reste une question taboue. C'est-à-dire, vous ne trouverez pas dans les productions d'analyse des grandes institutions internationales ou au plan français, vous chercherez vainement une étude sérieuse, systématique, de l'impact de l'ouverture des frontières du commerce en termes de justice sociale. On a beaucoup d'affirmations, de généralités, mais on manque cruellement d'études sérieuses. Dans un tel contexte, il était inévitable qu'on assiste à un effondrement de toute perspective véritablement réformiste. Et les partis de gauche, comme les partis de droite, semblent avoir renoncé à penser à nouveau frais la question de la justice sociale et pratiquent ce que le grand syndicaliste italien Bruno Trentin appelait le transformisme, qui consiste à accompagner l'emprise d'un marché devenu total. Et cette emprise impose un rétrécissement de la démocratie que symbolise bien, par exemple, le rôle joué par la Troïka dans le sud de l'Europe. Là encore, ce qui se passe dans le sud de l'Europe est lié à un ensemble de représentations qui se sont imposées depuis une trentaine d'années, notamment selon laquelle toutes les organisations seraient équivalentes d'un point de vue fonctionnel, et donc diriger un État, diriger une administration ou diriger une entreprise, ça serait la même chose. Et donc, il y aurait identité entre les entreprises et les États en particulier. Bon, si vous admettez cette prémisse, vous savez, quand une entreprise est en difficulté financière, on nomme un syndic de faillite. Bon. Donc, ça voudrait dire que lorsqu'un État ne peut plus payer ses dettes, eh bien, on doit dire que le peuple souverain est en situation de faillite. Donc, on doit faire comme pour le chef d'entreprise, on lui retire le pouvoir de diriger ses affaires pour le confier à un syndic de faillite. Et la Troïka fonctionne selon cette logique. C'est le syndic de faillite des États qui vient retirer... Alors, ça pose des problèmes. C'est là qu'il y a des grincements dans certaines cours constitutionnelles que j'évoquais tout à l'heure, par exemple le tribunal constitutionnel portugais. Le Conseil d'État grec aussi a eu beaucoup de difficultés à avaler les mesures prises en application de la Troïka parce que par rapport au principe constitutionnel de souveraineté, ça pose un certain nombre de difficultés. Donc, dans ce contexte, il n'est pas surprenant que la tendance soit plus au démantèlement qu'à la rénovation de ce qu'on appelait encore il y a peu le modèle social européen, dont le président de la Banque Centrale Européenne, M. Draghi, a d'ailleurs annoncé il y a 2 ans la disparition dans un entretien de presse, sans que personne ne s'en émeuve. Et donc, la tendance lourde, c'est celle de la mise en concurrence des droits nationaux et la réforme des marchés du travail dans le sens de leur réactivité et de leur adaptation aux attentes des investisseurs. Et de ce point de vue, on ne peut que saluer la performance politique qui a consisté à faire oublier que la crise de 2008 était due au marché financier pour l'imputer au marché du travail et aux protections extravagantes dont jouiraient les salariés et les chômeurs dans nos pays. Il y a eu une façon de faire passer sous la table la crise de 2008 et de dire le problème, c'est les marchés du travail, qui, moi, me laisse baba. Voilà. L'horizon du droit du travail dans cette perspective, ce sont les contrats zéro heure, sur lesquels je reviendrai, mais dont la pratique s'est développée aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, et par lesquels un travailleur s'engage à se tenir à la disposition d'un donneur d'ordre qui demeure libre du moment et du nombre des heures qui seront effectuées et payées. Je reviendrai sur les contrats zéro heure parce que c'est presque un cas d'école idéal typique pour parler comme Max Weber. Alors ça, c'est la face sombre des évolutions que je vous dis. Donc ça se défait d'une façon qui paraît inexorable. Mais les réformes du droit du travail témoignent aussi, quoiqu'à l'état de germe, de la recherche tâtonnante d'un nouveau régime du travail réellement humain. Je viens de le dire, au plan européen, les bases juridiques existent pour avancer dans ce sens. J'ai cité la Charte des droits fondamentaux, elle pourrait être utilisée, mais il faudrait que la Cour ne s'emploie pas à vider ses dispositions sociales de tout effet normatif, comme je viens de le montrer, parce qu'à partir du moment où la Cour dit ce qui est écrit dans la Charte, je fais mon marché, c'est le cas de le dire, dedans, et... j'impose certaines dispositions, les autres, je dis qu'on peut les oublier, là, ça ne va pas. Mais de telles bases se trouvent aussi dans les traités et en droit dérivé. En dépit de quelques tentatives en ce sens, les objectifs sociaux assignés à la communauté européenne et aux États membres par l'article 117 du traité de Rome n'ont pas été effacés du traité, et notamment l'article 151, selon lequel l'Union et les États membres ont pour objectif la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès. Donc, le droit européen continue de fixer comme objectif aux États l'égalisation dans le progrès et non pas la course vers le bas, engagés, par exemple, dans les arrêts Laval et Viking. Alors, vous me direz, mais pourquoi la Cour ignore cette disposition? Alors, elle n'ignore pas tout à fait, et elle avait jugé dans un arrêt de 1987, mais ça c'était, j'allais dire, la vieille Cour quand elle était aimable, c'est un arrêt Jiménez, que ces dispositions sont programmatiques, en sorte, disait-elle, que les orientations générales de politique sociale définies par chaque État membre ne peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel quant à leur conformité aux objectifs sociaux. Mais cependant, disait-elle, ce caractère programmatique des objectifs sociaux n'implique pas qu'ils sont dépourvus de tout effet juridique. Ils constituent en effet des éléments importants, notamment pour l'interprétation d'autres dispositions du traité et du droit communautaire dérivé dans le domaine social. Donc la mise en œuvre de ces objectifs doit être néanmoins le résultat d'une politique sociale qu'il appartient aux autorités compétentes de définir. Donc vous voyez, on avait une position de la Cour en 1987 qui était assez ouverte, en disant, bon, c'est programmatique, c'était difficile de dire que ce n'était pas programmatique, mais on peut s'en inspirer, c'est une technique bien connue hein, en termes d'herméneutique, c'est-à-dire, on va dire, on va interpréter des dispositions à la lumière d'un principe. Bon. Alors, maintenant, plus d'allusion, plus d'invocation du tout de ces dispositions dans la jurisprudence actuelle de la Cour. Alors certes, la réalisation de ces objectifs sociaux suppose une volonté politique qui semble avoir déserté les institutions européennes, à commencer bien sûr par la Cour de justice, depuis 2007. Mais, je l'ai dit, leur méconnaissance pourrait finir par se heurter à la résistance de certains États membres. J'ai cité, je le rappelle, l'année dernière, notamment cette attendue de la décision du juge constitutionnel allemand sur le traité de Lisbonne, selon lequel la loi fondamentale, c'est la constitution allemande, ne défend pas uniquement les fonctions sociales de l'État allemand contre un empiétement par des institutions supranationales, mais elle veut également lier la puissance publique européenne à la responsabilité sociale lorsqu'elle exerce les fonctions qui lui ont été transférées. Donc c'est un message fort du juge constitutionnel allemand qui dit à l'État allemand: vous avez une responsabilité sociale, non seulement au plan interne, et là vous ne devez pas laisser faire par des procédés non démocratiques des remises en cause des droits sociaux, mais aussi de porter cela au niveau européen. Alors en France même, on peut douter que notre juridiction soit capable d'une telle fermeté. Bon, c'est un doute que j'exprime, mais qui est lié à l'histoire du droit, c'est-à-dire le droit allemand, il s'est forgé dans la Révolution protestante, dans une certaine autonomie. Nous, dans la tradition qui est la nôtre, on cherche où est Rome pour s'y soumettre. Et la tendance forte de nos juridictions suprêmes, maintenant, c'est de dire c'est à Bruxelles, ou à Luxembourg, plus exactement, dans ce cas précis. Mais enfin, le législateur ne peut ignorer tout à fait le caractère social de la République, puisque c'est dans les premiers mots de la Constitution. Et la réforme du marché du travail de 2013, alors même qu'elle répondait aux injonctions de la flexibilisation, a été placée sous l'égide de la sécurisation de l'emploi. C'est le titre de la loi sur laquelle nous reviendrons longuement. Donc il faut se garder d'une interprétation unilatérale des transformations du droit du travail, qui laisse aussi transparaître une redéfinition donc de ce qu'est un régime réellement humain du travail. Et c'est à l'analyse de ces évolutions que nous allons consacrer le prochain chapitre, qui sera assez long aussi, parce qu'on va rentrer un peu dans la matière juridique, hein. J'espère que ça ne va pas trop effrayer. Alors, sous le régime fordiste, le contrat de travail se présente comme un échange de quantité. Alors, c'est fictionnel, mais je suis censé mettre sur la table une certaine quantité d'heures de travail et recevoir en échange une certaine quantité d'argent. Et ce sont les termes de cet échange, la durée du travail et le montant des salaires, qui ont constitué pendant longtemps l'essentiel de la négociation collective. On négociait sur diminution du temps de travail, augmentation des salaires. Dans les pays comme la France, cette négociation est encadrée par la loi, qui fixe un minimum pour les salaires et un maximum pour la durée du travail, ainsi qu'une durée légale au-delà de laquelle le salaire doit être majoré. Alors, dans ce montage, le travail lui-même n'apparaît pas. C'est ce que je vous dis, c'est l'interprétation faible de la notion de régime de travail réellement humain. On considère que le travail lui-même, il relève du pouvoir technique de l'employeur. Car son organisation relève justement entièrement du droit de l'employeur de disposer du temps qu'il a acheté. Et ceci explique la place nodale du critère de la subordination juridique dans la qualification du contrat de travail. Le temps de travail n'est rien d'autre que ce temps durant lequel le salarié abdique toute volonté propre pour se tenir prêt à obéir aux ordres. C'est oui, mon commandant. Zum Befehl, en allemand. Donc, c'est ça le temps de travail. Ce n'est rien d'autre que ça dans le montage fordiste du contrat, qui ne dit rien sur le contenu du travail. Et c'est cette définition du temps de travail que donne le Code, l'article L3121.1. La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette réduction du temps de travail à du temps subordonné apparaît à l'état pur dans un arrêt qui a beaucoup agité les spécialistes en 2009, qui s'appelle l'arrêt « Île de la tentation ». Alors c'est peut-être à cause de ça aussi que tout le monde s'est... la tension a augmenté. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation a qualifié de contrat de travail la participation à une émission dite de télé-réalité. Alors l'île de la tentation, je vais vous parler, je n'ai jamais regardé. Hein. Voilà. L'île de la tentation avait pour objet, je cite l'arrêt, de tester les sentiments de couples non mariés et non paxés, fin de citation, qui étaient invités à passer 12 jours dans une île exotique et à partager sous l'œil de la caméra des activités récréatives, plongée, équitation, ski nautique, voile, avec des célibataires de sexe opposé. La norme hétéro était sauve apparemment dans ce jeu. Donc chaque participant s'engageait ainsi, moyennant une indemnité de 1500 euros, à, je cite l'arrêt, à livrer son intimité au public en étant filmé, je cite, dans des relations interpersonnelles générées naturellement par une vie communautaire entre couples et célibataires. Fin de citation. Bon, alors, l'exploitation de la misère humaine à des fins de spectacle n'est pas une chose nouvelle, et souvenez-vous des marathons de danse qui mettaient aux prises à des fins lucratives les chômeurs victimes de la crise de 1929 et qui ont été mis en scène dans ce film inoubliable « On achève bien les chevaux ». Donc ça, ça n'est pas neuf. Et la télévision exploite aujourd'hui le même filon en promettant la célébrité à des jeunes gens qui sont invités à participer devant des millions de personnes à des jeux dont la règle consiste au fond en quoi ? Eh bien, c'est sur le modèle du dilemme du prisonnier que nous avons étudié l'année dernière, à être prêt à tout pour s'imposer aux autres. Certains des participants à cette émission avaient demandé la requalification de leur engagement en contrat de travail. Et la société de production fit valoir que participer tout frais payé à des activités récréatives ne constitue pas un travail. Alors, la Cour de cassation a écarté cet argument au motif que les participants, je cite là parce que chaque mot est important, devaient suivre les règles du programme défini unilatéralement par le producteur. Je reviendrai sur cette expression, suivre les règles du programme. Donc, ils doivent suivre les règles du programme, ils sont orientés dans l'analyse de leur conduite, certaines scènes sont répétées, les heures de réveil sont fixées par la production. Ils doivent être disponibles en permanence, c'est aussi un point à noter parce que ça, nous voyons les nouveaux régimes de travail qui s'instituent, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l'extérieur. Et donc, dès lors, on a une prestation qui consiste pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part des activités imposées et à exprimer des réactions attendues. Alors notez ça aussi, là on est dans la modernité, on est dans la réaction, il ne s'agit plus d'obéir à des ordres, vous voyez bien, c'est pour ça que c'est si intéressant cette affaire de la tentation. Vous n'êtes pas là pour obéir à des ordres, mais pour réagir spontanément, mais dans des conditions qui ont été programmées, c'est ça l'idée. Hein. Alors, en dépit des critiques dont l'ont accablé beaucoup de commentateurs, parce que la plupart de mes collègues se sont arrachés les cheveux en disant comment la Cour de cassation trouve que c'est du travail que d'aller faire du ski en draguant, enfin, c'est pas possible. Eh bien, en dépit de ces critiques, cette décision me paraît parfaitement conforme à la loi applicable. En effet, la notion de travail qui préside au contrat de travail, c'est celle d'un travail abstrait, au sens, là encore, de Marx, c'est-à-dire d'un travail défini non par sa valeur d'usage, mais par sa valeur d'échange. Le contrat de travail, et avec lui le marché du travail, a précisément pour objet de ramener à des quantités commensurables, et donc échangeables, de temps et d'argent, l'infinie diversité des activités humaines et le sens particulier que nous prêtons à chacune d'elles. Et c'est cette notion de travail abstrait qu'a caractérisée, dans le cas de l'île de la Tentation, la première chambre civile de la Cour de cassation, en considérant, je cite, que la prestation des participants à l'émission avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique. Donc c'est à partir de là, on dit, c'est du travail parce que ça va permettre de produire un bien ayant une valeur économique. Donc tant qu'elles ne mettent pas en cause la santé physique ou mentale des salariés, le juge n'a pas à se prononcer sur le contenu, le sens ou l'utilité des activités qui leur sont prescrites. Car ce contenu, ce sens et cette utilité relèvent du pouvoir de direction que le contrat confère à l'employeur. La fiction qui permet ainsi de réduire le travail à une quantité mesurable de temps, c'est-à-dire à une marchandise négociable, a été rendue soutenable par le droit du travail, qui insère dans le contrat un statut qui prend en compte le temps long de la vie du travailleur en protégeant d'une part sa sécurité physique et économique et d'autre part sa liberté contractuelle. Et donc non seulement la motivation de l'arrêt Île de la Tentation est impeccable, mais elle témoigne du déplacement de sens que la direction par objectif et le management participatif impriment à la subordination. Substituant la programmation au commandement, ces nouvelles formes d'organisation du travail restituent au travailleur une sphère d'autonomie dans la réalisation de sa prestation. En faisant de l'expérimentation psychologique sur les êtres humains un spectacle lucratif, la télé-réalité place ses cobayes dans une situation de ce type. Ils doivent se conformer non pas à des ordres, mais à ce que l'arrêt nomme très exactement les règles du programme. Et ainsi programmés, ils n'agissent pas librement, mais ils expriment des réactions attendues. Confirmant une jurisprudence bien établie, ce cas limite montre que le maniement du critère de la subordination permet d'étendre le champ d'application du droit du travail à ce type de programmation. Parce que c'était ça la question. On aurait pu dire on passe de la subordination à la programmation, et quand il y a programmation, ce n'est plus du contrat de travail. Et ce n'est pas ce que a fait le juge dans son souci de maintenir le champ d'application du droit du travail. Il dit, quand bien même on a des montages de ce genre, je considère que c'est encore du contrat de travail. Donc c'est une forme nouvelle de subordination. Et dès lors que cette interprétation élargie de la subordination ne permet pas aux nouvelles formes d'organisation du travail de se déployer hors du droit du travail, elle transforme de l'intérieur les équilibres juridiques issus du compromis fordiste. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 28 mai 2014 Alain Supiot, Les figures de l'allégeance. Aujourd'hui, quel régime de travail réellement humain? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion. Alain Supiot a dirigé l'ouvrage collectif « Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité » aux éditions du Collège de France en 2018. Je rappelle également sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social chez Fayard » en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres, suivi des figures de l'allégeance en partie 2, a été publié chez le même éditeur en 2015. Documentation musicale Antoine Villose, iconographie web Claire Poinsignon, réalisation Laure-Hélène Planchet, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Alain Supiot l'analyse des figures de l'allégeance. Quelle est la nouvelle économie du contrat de travail ? Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.